Mais l'aspect de faire des machines de guerre, puis tout, ben oui, mais c'est là que tu vois très, très, très intelligent intellectuellement. Au niveau conscience, parce que tu te sers pas de ta conscience pour faire des affaires de même. Quand tu es vraiment conscient, je veux dire, au moins, en tout cas, tu n'oseras même pas le coucher sur le papier. Parce que tu veux pas que ça. Tu sais, c'est pour ça, là, c'est la différence entre l'intelligence et la conscience. Tu as des génies, c'est des grands génies. Mais au niveau conscience, ça vaut rien. C'est de l'intelligence artificielle avant le temps, quasiment. Tu sais, parce que, au fond, Léonard de Vinci, moi, ça m'impressionne pas. Mais vraiment pas. Puis, les toiles au niveau esthétique, oui, ok. Tu sais, il y a quelque chose, c'est bon. Ça m'impressionne plus que Van Gogh. Mais il reste que au niveau, moi, à mes yeux, une intelligence qui se met au service de n'importe qui, puis de n'importe quoi, même si c'est bien de l'intelligence, puis tout, c'est juste pire encore. Ça prend de la conscience, là aussi. Mais en même Dans le temps, c'est sens un que. individu d'avant-garde qui a une conscience visionnaire, puis plusieurs décennies après, là, les gens voient toute la portée justement des inventions auxquelles ils avaient pensé, puis aujourd'hui, avec les moyens techniques, bon, on est plus en mesure d'en réaliser. Ah oui, puis là, ça, tu sais, ben, ils ont-tu essayé de faire ces machines de guerre épouvantables, tu Moi, ouais, c'est vrai que. sais. C'est là que, bon, ils n'ont pas essayé ça. La machine, là, qui fait aller des faux. Les chevaux courent, puis les chevaux sont. On voit que c'est fait pour que les chevaux eux-mêmes aient peur, puis ils s'emballent sur le champ de bataille, puis ils se garochent. Ça fait penser, dans le temps, là, les samouraïs qui mettaient des paillasses tressées sur le dos des bœufs, puis ils mettaient le feu après, le bœuf paniquait, puis fonçait dans l'armée en avant. C'est épouvantable, je veux dire, c'est des horreurs dans le fond. Ça, c'est de l'intelligence involutive. C'est pas de la conscience. Non, non. Parce que, dans le fond, c'est facile d'être diabolique. Ça prend de l'intelligence, oui. Mais parce que tu as de la conscience, tu vas t'empêcher. Fait que tu n'en auras pas de succès. Tu n'en auras pas de.